Toutes les couches sociales de la Corée du Sud exaltent vivement le général Kim Jong-il, qui a ouvert la nouvelle époque du mouvement de la réunification avec la publication de l'historique déclaration commune Nord-Sud du 15 juin. Les Sud-Coréens comme Fang Mano, collaborateur libre, et Lee Kwang-jin, intellectuel de Séoul, ont dit comme ce qui suit. L'historique rencontre au sommet Sud-Nord en 2000 et l'adoption de la déclaration commune du 15 juin était le changement de l'histoire nationale pour la réunification et le grand événement qui a montré le désir ardent de la nation. Le général Kim Jong-il est le dirigeant éminent de l'époque de la réunification d'indépendance du 15 juin et de l'idéal entre nous les Coréens. Les journaux sud-coréens comme Pyongyang Sinmun ont souligné que l'adoption de la déclaration commune du 15 juin a exterminé le malheur et le passé d'hostilité, d'opposition et de confrontation et a jeté la base pour la réconciliation, la collaboration et la réunification. Les internets sud-coréens ont présenté le grand homme qui a fait briller l'époque de la réunification du 15 juin en portant haut le drapeau de Sungun. Les formations sud-coréennes comme les gens pour la paix et la réunification ont dit que les exploits et les efforts du président du comité de la défense nationale Kim Jong-il, qui a publié la déclaration commune du 15 juin et la déclaration du 4 octobre, jalon de la réunification de la patrie, seront transmis à l'histoire de la nation.